Chez Brune près du canal Saint-Martin, c'est pas demandé la lune à minuit 20 du matin. Parfois y'a des rencarts plus ou moins programmés. Celui-là sort de nulle part, il est improvisé. Si je m'étais pioté quelques secondes plus tôt, ce n'est que le lendemain que j'aurais eu son texto. Notre verre à la main, on commence à parler. Les sujets sont communs, nos vies viendront après. Seulement les secondes passent, les clients sont rentrés. Le garçon ferme la terrasse, il est temps de se casser. Et si on s'était dit je vais rentrer à bientôt, cette histoire serait finie et ce chapitre serait clos. Mais il suffit d'un rien pour qu'une histoire continue. Il fait bon, on est bien, on remonte la rue. On regroupe notre monnaie pour prendre de quoi teaser. Une bouteille de despé qu'on boit après des quais. Et si on avait bu cette bière au comptoir, ça aurait sûrement changé les facteurs de cette histoire. On se plonge dans nos vies, nos souvenirs font des bons. On évoque ravi l'effet du papillon. Sur un banc près de nous deux viennent s'asseoir quatre mecs. L'un d'entre eux me taxe du feu et un autre bouffe son grec. S'il n'avait pas jeté ses déchets dans la flotte, on n'aurait pas bougé pour rechercher des chiottes. C'est au Crédit Lyonnais qu'elle retire des sous. Elle souhaite m'inviter à prendre un dernier coup. La vie suivait son cours, tout allait pour le mieux. D'un coup, un contre-jour a obscurci les lieux. S'il roulait moins vite au volant de sa Twingo, la passante n'aurait pas gi dans le caniveau. Voilà, la vie nous réserve bien des surprises. Elle s'arrête d'un coup et ça nous paralyse. On se sent plus vivant au milieu de ce drame, en plongeant un instant dans le regard de cette femme. Si on s'était pas trouvé là en pleine nuit, on n'aurait peut-être pas davantage apprécié la vie. Jusqu'au bout de mes doigts, le choc bat la cadence. Je la prends dans mes bras, elle qui pleure en silence. Fallait-il vraiment ça pour un moment de tendresse? Nous faucher une nana, elle est chère la caresse. Si je pouvais changer deux ou trois trucs au scénar, je laisserais cette passante rentrer peinard sur le trottoir. Assis dans un café, on reparle de tout ça. Dans son petit carnet, elle fait mon portrait chinois. À la table d'à côté, un grand Renoir s'assoit. Il me demande mon briquet que je ne revois pas. S'il n'avait pas besoin de feu pour sa cigarette, aujourd'hui je serais pas obligé de prendre des allumettes. C'est au sixième ciel que cette histoire s'achève. Tous deux assis chez elle, on se demande si on rêve. Elle me sert un café et du sucre de canne. On se laisse bercer par Sarah Vaughan. Si elle ne bossait pas quelques heures plus tard, je serais pas rentré chez moi pour écrire cette histoire. Si la vie est un jeu, les règles sont pas très claires. Au fond c'est peut-être mieux, c'est ainsi, faut s'y faire. Les choses sont-elles aigrées, d'où y a-t-il au contraire une place au libre arbitre, c'est là tout le mystère. Si je n'avais pas rencontré ce papillon, vous n'auriez sûrement pas écouté cette chanson.